Tenez, les rats, ils sont là. Jamais nous n'aurions pu penser... Non, nous ne pensons jamais... qu'ils pourraient un jour être aussi belliqueux... Comme des gros fils de... Oui, ils sont là, mais Wish City ne se laissera pas faire. Non, nous ne nous laisserons pas faire. Moi, je défendrai Wish City. J'ai décidé que mes enfants sont en âge de défendre notre ville. Moi, je suis allé inscrire ma belle-mère dans l'infanterie ce matin. Mettez-la en première ligne, surtout. Et Wish TV s'associe à l'initiative du grand dirigeant. Levons une grande armée à l'image de notre grande civilisation Baif Wish, la seule qui existe dans l'univers. Parcourez les cavernes, qui rencontrez-vous? Des taux, des serpents, des rats? Bah, et qui a construit des cités? Nous, nous sommes la seule race civilisée. Et par ce fait, nous avons tout à fait le droit d'éradiquer les rats. Et c'est ce que nous allons faire. Wish TV dit oui à l'éradication des rats. On n'a jamais fait pire que les rats. Ils tuent, pillent, violent et font pipi sur la cuvette des toilettes. Haïr les rats, c'est être citoyen de Wish City. Haïr, c'est aimer sa ville. Wish TV. Wish TV. De la propagande? Non, jamais. De l'information au service du grand dirigeant, donc de vous. Wish TV. Wish TV. Galerie Ouest, non loin de Wish City. Quoi, la vache? Ça fait bizarre, tous ces soldats autour. Eh, normal, c'est pour assurer notre protection contre ces bâtards de rats. Ça, t'es sûr qu'ils atteindront jamais Wish City? Squeak, c'est vrai que tu les as vus? Squeak, c'est vrai que tu les as vus? Oui, Friedrich, je les ai vus. Mais je creuse, là. Je creuse. Je suis un creuseur. Je n'ai jamais su faire que ça, creuser. Pourtant, j'avais vu le grand trou. Il y avait un autre monde que celui-ci. J'avais beau être un Baif Wish, je n'avais aucun désir de rester près des miens. Non. Ici, je n'étais qu'un creuseur. Et comment pourrais-je sauver Wish City, comme le disaient les persévères, ces vieux fous d'ermite? Mila me croyait pas capable de sauver Wish City. Elle avait sûrement raison. Est-ce que j'étais capable d'aller voir le nouveau monde? Là, c'est le grand trou, alors que c'était interdit d'aller en terre inconnue. Moi, un pauvre creuseur, d'abandonner Booze. Je me sens proche de toi, Booze, parce que toi aussi, les gens se moquent de toi. Quoi? Ben oui, t'es l'un des meilleurs creuseurs, c'est sûr. Mais ils disent que toi, de toute façon, t'es gros et t'es bête. Je suis pas gros, je suis pas bête. Bon, d'accord. Il paraît qu'une fois qu'on aura fini de creuser ici à la Galerie Ouest, on va être engagé dans l'armée pendant toute la crise avec les rats. Dur, hein? Et comme d'habitude, les creuseurs vont être mis en première ligne. Ouais. Bon, Friedrich, c'est pas que tu nous gênes, là, mais normalement, t'es pas dans notre secteur. Tu dois creuser dans l'autre secteur. Oui, mais moi je vous aime bien et je suis sûr que vous m'aimez bien aussi. Oh putain, merde! J'ai cassé ma pioche! Oh non, la vache, j'ai cassé ma pioche! Votre attention, s'il vous plaît! Vous devez arrêter le... Oh non, je peux pas dire ça quand même! Si, je dois dire ça? Ben c'est bien la première fois qu'on me dit de dire un truc pareil! C'est complètement incongru! Ouais, bon, ok. Votre attention, s'il vous plaît, mes potes les creuseurs, vous devez arrêter! Oh non, y'a pas à dire, ça bloque là! Il est déjà? Bon, je me dépêche. Vous devez arrêter le travail! Oh, comme deux mois, oh là là! Et vous rentrez immédiatement au centre de la galerie près des baraquements des chefs de chantier! Le grand dirigeant est ici pour s'adresser à vous! Merci de votre attention! Oh, franchement, là, ce que vous me faites faire, hein, des fois, j'en ai mal à ma couche professionnelle. Comment ça, le micro est ouvert? Oh. Le grand dirigeant, il est là pour nous voir? Non, merci, Mère Laroche. Si ma grand-mère était là, elle serait fière de moi, moi. Le grand dirigeant vient me voir. Je suis pas sûr que c'est toi qui viens voir, Friedrich. Tu crois qu'il vient nous parler des rats, Squeak? Et, c'est vrai que je suis gros. Oh non, et puis ma pioche est cassée, juste à ce moment. Nous nous sommes tous dirigés vers les baraquements des chefs de chantier. Les soldats entouraient une estrade, armes en main, de jolis casques beiges sur leur crâne, l'œil vif, l'allure fière. De vrais petits péteux. Et sur l'estrade, le grand dirigeant se dressait de toute son arrogance devant une dizaine de micros. Avec lui, quelques-uns de ses plus fidèles conseillers. Sa fille, Mila. Elle parcourait la foule du regard comme pour y chercher quelque chose. Vous et moi ? Non, on n'était rien que des creuseurs, oui, jamais rien que des creuseurs. C'est le grand dirigeant, vous avez vu qu'à la télé ? Je le vois, il est pas beau en fait. Il est un peu vieux, vous trouvez pas ? Quelqu'un aurait une pioche en rame ? Mes chers creuseurs, bonjour. Mes chers creuseurs, comme vous le savez, la guerre approche. Chacun est donc mis à contribution. Ce ne sont bien sûr que des mesures de sécurité. Il est peu probable que vous n'ayez jamais à combattre. En effet, les rats ne sont que des rats. Les Bifwish sont ce qu'ils sont et... Et puis voilà, c'est tout. On ne va pas en faire un plat et être alarmiste, non ? Les rats n'atteindront jamais Wish City. Mais au cas où, on ne sait jamais. Soyons prudents, c'est vrai, c'est quand même mieux. Et puis ça rassure les habitants. J'ai décidé de faire appel aux creuseurs qui creusent nos si belles galeries. Une fois votre travail terminé dans toutes les galeries en chantier, et notamment la plus grande, celle-ci, la galerie Ouest, vous serez affecté à deux unités de combat d'appoint. Ça veut dire quoi d'appoint ? Ça veut dire bien chauffé, non ? Non, ça veut dire en première ligne. Alors que tous les regards restaient sur le grand dirigeant, j'ai baissé la tête. Je n'allais pas me battre en première ligne. Je n'allais pas rester rien qu'un creuseur toute ma vie. J'allais devenir un déserteur. Non, pas un déserteur, un aventurier. J'allais quitter Wish City, passer le grand trou et découvrir le nouveau monde. Être enfin quelqu'un. Être enfin autre chose qu'un creuseur. Bah, Wish.